noir, noir c'est noir, t'as tué nos espoirs, je t'ai laissé du temps, mais tu m'as fait perdre mon temps, t'avais des choses à prouver, ce que tu cherchais t'as trouvé. Distance, obligé de faire une croix sur ton existence. Ouais, c'est plus pour moi, j'ai pris mes distances.